Les matériaux que vous voyez là sont issus d'un atelier dont le but était de créer du papier pH pour mesurer l'acidité des ferments. Donc sur le papier, on voit des taches bleues, ce sont des taches de chou rouge. Les petits papiers ont été plongés dans les ferments pour en mesurer l'acidité. Et la boîte en plastique de papier à pH que vous voyez sur la gauche a été achetée en pharmacie.